salle qui est des pistes, toujours le même couloir. Noir, court et serré, toujours le même fauteuil. Seul vide et fatigue, toujours le même écran. Mordre neuf et violent, toujours le même colère. Confier et débile, toujours le même téléphone. Fort rock et super, toujours le même classeur. Vieux rouge et bien rond, toujours le même tanné. Clair, juste et sans souffle, toujours le même réunion. Naze, le support, toujours le même réveil. Confier et débile, toujours le même haute. Naze, le support, toujours le même apport. Toujours le même café. Noir, court, serré. métal tiède, plastifié. Toujours le même couloir, noir, court, serré.